se confond. Insondable, alléluia, et l'amour vivant, l'amour présente, se recherche, se recherche, se profond, insondable, oh, alléluia, et l'amour vivant, amor, amor, rédempte, oui, pour moi, pour moi, indigne, indigne, sauvé, par grâce de Dieu, pour moi, par grâce de Dieu, pour moi, pour moi, amour, amour, rédempteur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous croyons en ton amour rédempteur. Nous glorifions ton Saint nom Jésus-Christ, qui est descendu de sa gloire sur la terre des humains, et vécu comme un homme ordinaire, et humilié et souffra. Tout-Puissant, il a été méprisé et abandonné des saints. Il n'avait ni beauté ni éclat pour l'acquitter de l'orégat. Semblable à celui dont on détourne le visage. Dieu, tu es parfait. Tu as enduré tout cela pour le salut de nos âmes. Tu as donné de la valeur au salut de tes âmes. Et que nous étions vendus au péché, tu es venu nous racheter. Que ton nom soit béni, c'est le vrai. Lui qui fait des merveilles dans chaque génération. Confirme la promesse de Dieu dans chaque génération. Qui accomplit la parole promise pour chaque génération. Qui envoie le message promis pour chacun et ouvre les yeux de ceux qui aiment Dieu, les yeux qui ont les profondeurs de Dieu, pour que le formalisme monde pour venir dans la sainte maison de Dieu et être nettoyé, lavé, recevoir les bénéfices, recevoir les directives du Seigneur, séparer de toute iniquité et marcher dans la présence du Seigneur comme des ennemis des démons. Satan, les ennemis de l'incrédulité, les ennemis de la mondanité, près de nous, pareil croyant Seigneur, chaque jour la vie de Dieu se manifeste abondamment au-delà de nous, pour donner gloire à ton Seigneur, et pour prendre Satan l'ennemi, toute la ligne est une pression. Reste avec nous Seigneur, et parle à chaque âme, lui donner du nouveau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la sainte parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 16. Nous prenons le verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et que Dieu dans mon Kilina, Kaisal et à Philippe, à tous les baïens qu'on a été, Je suis un peu plus jeune. Si mon apétit a joué ici, Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage des deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Un Corinthiens chapitre 4, le verset 3 à 5. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir maintenant. Nous disons bienvenue à chacun. Bienvenue à la table du Seigneur. Bonne condition d'écoute de l'évangile. Pour nous, un grand privilège de nous retrouver à nouveau ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le culte et le service divin. Nous poursuivons les thèmes que nous avons commencé. Comment éprouver un ministère de la parole. Alors, la question est fondamentale. Nous sommes rappelés mercredi, il y a à peine 48 heures. Et nous devons refuser et nous interdire de refuser d'effectuer un jugement charnel. Le jugement du chrétien. Le jugement des choses chrétiennes doit se faire par l'esprit de vérité. Et par l'esprit du Père. L'esprit de vérité. À nous pour que notre jugement soit vrai. Et nous avons pris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même ici dans Jean chapitre 8 pour commencer cela, pour commenter cela, non au jugement charnel, non à tout jugement par la chair, mais oui au jugement par l'esprit de Dieu. Et nous avons pris l'exemple du Seigneur Jésus, parce qu'il est venu pour servir des divins modèles. Et il a dit, vous, jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Voilà, ces gens jugent selon la chair. Mais Christ me dit, moi, je ne juge personne. Alors, si je juge, il admettait que vous considériez ce que je fais comme un jugement. Alors comprenez que mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et il est écrit dans votre loi que le témoignage de tes hommes est vrai. Et pour son cas, le cas de son jugement à lui. Il dit au verset 18, je rends témoignage de ce que je suis. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Alors, dans ce cas-là, le témoignage de deux hommes, le témoignage de deux personnes, à savoir précisément le serviteur lui-même, et le Père qui l'a envoyé. Ces témoignages-là associés est vrai. Regardez qu'il ne considère pas ce que les autres disent. Pour attester un témoignage vrai, il ne prend pas en compte ce que les églises disaient. Il ne prend pas en compte ce que les hommes disaient. Il ne prend pas en compte ce que l'ensemble des humains disaient. Mais il prend en compte uniquement ce que lui, en tant qu'homme, a envoyé. Et ce que celui qui l'a envoyé dit de lui. Et les deux seuls témoignages font de son jugement un jugement vrai. Il dit amen. Que Dieu nous aide dans cette affaire. Qu'il nous aide, mes chers amis. Les églises avaient des témoignages à donner. Les frères et sœurs pouvaient rendre des témoignages. Les humains, les contemporains, vous mais le jugement vrai n'est pas l'association de ce que les gens racontent avec ce que le serviteur déclarait. Non, le jugement vrai était celui qui venait du Père Céleste. Associé à cela, celui de l'homme qui est envoyé du Père, le serviteur. Et là, c'est pour confirmer ce que l'Écriture dit. Dans votre loi, le témoignage des deux hommes est vrai. Est-ce que tout le monde suit? Amen. Alors, nous avions commenté le mercredi, le verset 15 et 16. Et nous avions dit, par la grâce de Dieu, nous enchaînerons le verset 17 et suivant. Prochainement, je pense que Dieu nous fait cette grâce ce soir. Nous allons penser encore un peu là. Mais ce que nous aimerions dire, comme penser du soir, ce sont les trois questions. Les trois questions bibliques. Pour identifier un ministère. Les questions qui se posent habituellement. Le ministère est un nom qui dépend d'un appel de Dieu. Mais il doit être identifié dans Ephésiens 4:11. Pour identifier un ministère. Trois questions bibliques. Parce que Dieu a envoyé dans Ephésiens 4:11, il a donné les uns, non pas comme ministre, ou juste comme serviteur. Il a donné les uns comme apôtre. Donc le ministère est identifié. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Quand lui Dieu les donne, Dieu sait ce qu'il donne. Il connaît l'identité des ministères qu'il donne. Dieu qui est le Père Céleste, qui est le Seigneur de tous les ministères. Quand il donne les ministères, il sait ce qu'il donne. Ce n'est pas juste les ministres tout court, mais il connaît le nom de chaque ministère que lui Dieu a donné. N'est-ce pas vrai? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est ce que le Seigneur donne à l'Église. Il donne à son peuple comme cela. Ce sont des ministères identifiés. Et par conséquent, ils sont identifiables. Il suffit d'être attentif à la voix du Père. Il suffit de connaître qu'est-ce que le Père a dit. Qu'est-ce que le Père qui a donné a voulu donner. Voilà pourquoi Jésus, dans sa manière de présenter son enseignement, il n'inclut pas les dires des hommes, les opinions et les sentiments de ces hommes. Il dit, il est écrit dans votre loi. Le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé, il rend aussi témoignage de moi. Et donc ça fait que nous deux, lorsque vous considérez notre témoignage, c'est un témoignage vrai. C'est le témoignage de référence qui mérite d'être considéré. Mais les gens auront toujours plus d'incertitudes. Parce que devant chaque situation, ils se créent souvent trois positions. Il y a des fanatiques qui se mettent à tout avaler et se mettent à tout défendre jusqu'à exagérer. Mais il y a aussi les sceptiques. Ils sont prêts à douter de tout, à tout rejeter et afficher une incrédulité insolente. Mais il y a aussi des gens sans position. Ni pour comme les fanatiques, ni très pour comme les fanatiques, ni très contre comme les sceptiques. Et eux, ils sont là, ils ne savent pas que dire de ça. Et souvent, c'est des gens qui aiment éviter la question. Qui aiment éviter la situation. Parce qu'ils n'ont pas de position. Ils craignent qu'en disant trop oui, un jour leur oui les condamne. Parce que vous aurez dit très oui à quelqu'un qui vous dit non. Et d'autres aussi, ils craignent des enfants non, que leur nom un jour les condamne, et qu'ils se rendent compte qu'ils ont rejeté Dieu par le roi. Alors ils se mettent carrément au milieu, ni très pour, ni très contre, ils sont sans position. ces trois positions qui se dégagent généralement. Devant chaque épreuve, chaque situation. Que Dieu nous aide à avoir la bonne position. Quand il fallait juger qui était Jésus-Christ. Et non, moi je ne juge personne. Vous là vous jugez selon la chair. Je ne peux pas me fier à votre jugement. À votre manière de mais si je juge, mon jugement est vrai. Parce que dans mon jugement, je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Alors mon jugement est vrai. Amen. Je dis amen. Mon jugement est vrai. Qu'il en soit vraiment ici. Alors maintenant, pour identifier, comme j'ai dit, les présentations, maintenant les trois questions. Premièrement, qui dit-on qu'il est? Qui dit-on qu'il est? Et Jésus-Christ, le serviteur en question, l'homme qui dit-on qu'il est ce serviteur? Qui dit-on? Dit-on? Le où? C'est que n'importe qui dit. Raconte, raconte. Et la deuxième question, que dit-il de lui-même? Ou que dis-tu de toi-même? Là, c'est le serviteur. Il doit dire ce qu'il pense qu'il est. Il décline son identité. Et la troisième question. Et vous? Que dites-vous? Que dites-vous? C'est vous l'église. Que dites-vous qu'il est? Ce serviteur. Ce serviteur. Que dites-vous qu'il est? N'est-ce pas? Est-ce que ça est dans la Bible? N'est-ce pas? Est-ce que ça est dans la Bible? Oui, oui. Écoutez, okay. Dans Jean chapitre 1, Yohane, mokapo, yambo, nous trouvons à partir du verset 19 jusqu'au verset 23, qu'il est écrit ceci. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Lorsqu'il est dit, toi, qui es-tu? Il s'agit de la quatrième question dans notre petit classement ici. Toi, qui es-tu? On pose la question au serviteur. Toi, qui es-tu? Deuxième, bien sûr. Vous verrez cela apparaître clairement vers la fin. Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Voilà, décliner son identité. Bien qu'il y avait des gens parmi les Juifs qui considéraient Jean comme étant le Christ. Hein? Mais lui, il a déclaré sans nier. Il apporte le premier démenti formel. Démenti officiel. Il n'est pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Et puis Élie, il dit, je ne les suis point. Deuxième démenti officiel. Je ne suis point Élie. Troisième sous-question. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Balobaki na yeke, yo nani, yeke tozongisa monoko epai na batindi na biso, ozali koloba nini mpo na yo moko? Que dis-tu de toi-même? Ozali koloba nini mpo na yo moko? Quoi dit-il? Il répond quand même. Écoutez, il y a une réponse parole. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe, le prophète. Comme j'aime vous dire, lui qui pose une question, il a une partie de la réponse. Ces délégués ici sont allés voir Jean-Baptiste. Ils lui ont demandé quoi dire. Et en posant cette question-là, ce n'est pas qu'il n'avait pas une opinion à confirmer. C'est-à-dire, quand lui se questionnait, il peut être le Christ. Il pourrait être le prophète. Il pourrait être Élie. Alors ils viennent en train de préjuger. Avec des opinions mais qu'ils sont camouflés. Ils sont une question ouverte. Vous dites que vous les laissez parler. Et Jean qui était un prophète les incite à se déballer avant que lui ne se déballe. Bon, le prophète connaît le cœur. Donc ils sont venus en cachant leurs opinions à son sujet. Ils demandent, toi qui es Jésus. Oh, si c'était des gens qui ne connaissaient pas ce qu'il était, ils auraient posé la question autrement. Ils auraient dit, nous ne savons rien de toi. Nous avons appris que tu es là. Nous voulions connaître ce que vous êtes. Mais ils viennent et disent, toi qui es Jésus. Mais en gardant dans la marée, nous sommes l'opinion qui est interprétée. Écoutez ceci. Jean, en tant que prophète, va actionner les cœurs. Pour inciter à parler. Il commence par le premier demandement. Il déclara s'allier. Je ne suis pas le Christ. Vous savez ce que cette réponse-là a provoqué? Ça, les gens incités à se dévaler. À sortir ce qu'ils avaient à l'intérieur. Mais on disait il pouvait être vrai. Mais il n'est pas le fils. Quoi donc? Quoi? Dites-nous. Et tu, Élie? Ça c'est ce qu'il cachait. Mais Jean les a récités. Et puis Élie? Il répond. Il répond. Je ne le suis pas. Alors il y a un autre comme c'était. Alors, il ne reste qu'une possibilité. Il ne reste qu'une possibilité. Alors, es-tu le prophète? C'est-à-dire le prophète dont Moïse avait parlé. Il répondit, non. Alors, l'air s'arrête, c'est ça le plus. Celui qui pose la question peut avoir une partie de réponse. Mais il ne peut se faire que chaque partie de réponse qui possède soit fausse. Alors, ne vous appuyez pas sur ça. Ni sur les opinions, ni sur les impressions. Mais allez dans la logique de la parole. Il l'a gardé, il l'a sécurisé. Il a élevé lui-même.

Je rentre mon âge de moi-même. Et mon frère qui m'a envoyé. Le jugement en question est vrai. Ce témoignage que les deux rendent. Le témoignage référent. Parce que quand vous allez dans cette question. Que dit-il de toi-même? Oh, moi j'ai classé la première là-bas. Mais l'esprit nous conduit à commencer d'abord la deuxième. Oh, laissons nous conduire comme ça. Si ça nous vous allez moi je pensais parler de la première. Ce soir. Le voilà le Seigneur nous conduit dans la deuxième. La question est là. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Comment est-ce que vous avez vu comment il a répondu? Alors si vous suivez sa réponse, regardez, dans Esaïe 40, nous trouvons ce dont Jean-Baptiste a parlé. Dans Esaïe chapitre 40, dans ce soir, une voix crie. Réparer au désert le chemin de l'éternel, à planifier dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc nous allons aller comme dans les pays, quand il a le sauveur, donc on nous sentira dans la route, quand il a le fils en tombe. Ça se voit dans Jean et dans Esaïe le prophète a parlé. Jean-Baptiste a dit clairement que c'était lui. Il a amené les gens envoyés de pharisiens dans un domaine où l'intellectualisme n'a pas la solution. Il faut savoir naviguer dans le surnaturel pour pouvoir s'en sortir. Il dit, je suis la voix. Alors, il va le fouiller. Et il trouve la voix. Jean-Baptiste, Esaïe a dit qu'il y a une voix qui crie. Mais il n'a pas donné le nom de la personne. Il n'a pas donné le lieu où la voix vient de crier. L'adresse physique. Il n'a pas donné le nom de la localité. Dieu a sa manière de faire les choses. Quand il le révèle, il le révèle. Il garde toujours une partie secrète. Il ne veut pas que l'intellectuel. Il faut s'humilier comme un enfant. Pour que Dieu vous révèle la partie secrète. Et quand il vous la révèle, vous. Vous saurez de qui il s'agit. Il ne donne pas le nom de sa famille. Il donne pas le nom de la tribu. Et il dit seulement une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'éternel. À planifier dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Êtes-vous là? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? C'est terrible ici là. Il dit, je suis cette voix. Le pharisien pouvait arrêter. Il l'idée. Il se demandait. À quoi est-ce qu'il va venir? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est qui alors? Il est la voix même. Nous, dans notre système de service, dans le judaïsme, il n'y a pas de fonction appelée la voix. Il n'y en a pas dans le sacerdoce le but. La loi de Moïse a-t-elle institué une fonction appelée la voix pour que quelqu'un dise que lui il est la voix? Pour la voix ça veut dire quoi? L'intellectuel devait jouer. Le gouvernement éternel devait jouer. Il faut être spirituel. Dans les choses de Dieu. Les choses de l'esprit. Spirituellement. Pas intellectuellement. On voit ici dans Matthieu 11. Le professionnel parle encore à ce sujet. Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, je suis pris la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, verset 26. Je sais que tu l'as voulu. Il a caché cela aux érudits de la terre. Il a caché cela aux sages et aux intelligents. Il a caché cela aux diplômes validés. Reconnu par les grandes écoles. Mais Dieu a voulu leur cacher ça. Il ne pouvait pas découvrir le secret. Par révélation. Amen. Ce n'est jamais par la chair. Vous voyez que si tu t'attardes, vous allez trouver le rassemblement chanel. Vous allez que tu perds inutilement ton temps. Tu ne t'en sortiras jamais de cette manière. Vous croyez par quelle manière on a. Elle doit venir par révélation. Que Dieu nous aide de cette manière. À être des disciples, à venir, informés. Allez à genoux, la genoux aussi. Posez les questions difficiles au Seigneur. Car lui a toutes les réponses. Il a les vraies réponses. Si le Seigneur essaie de vraiment. Êtes-vous là? Maintenant, regardez ce qu'il a fait. Pendant que les célébrités de ce temps-là, avec tout leur système, et la loi écrite qu'ils avaient écrite, Dieu s'était manifesté aux petits enfants. À l'époque de la conception et de la naissance de Jean-Baptiste. Oh, c'est à travers les manifestations de Dieu. À un groupe de gens simples, humbles, négligés. L'identité de Jean-Baptiste était déjà dévoilée. Mais ce n'était pas dans les grands séminaires, dans les grandes universités. L'identité était déjà donnée à la naissance. Avant même que l'enfant ne sache lire ou écrire. Dieu avait déjà parlé. Il avait révélé quelque chose. Pour que l'on sache parmi les prophètes, il était de qui? Nous voyons dans Luc, au chapitre 1er, ce que le Seigneur lui-même dit. Luc, au chapitre 1er. Il est écrit ceci. Le verset 15. Non, je me reprends le verset 13. Je me pas à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains pas Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Mais moi je le dis à Yéhu, banga te Satana, toi qui lui donnes le nom de Yéhu, et moi qui lui donne le nom d'Élisabeth, à propos de la Yéhu, moi je le parle, toi qui lui donne le nom de Yéhu, le nom. Or quand il s'agit d'un ange qui communique, cette révélation s'est il s'agit d'un porteur de message de Dieu. C'est Dieu le Père Céleste. Il a envoyé l'ange. Et l'ange annonce la naissance de la femme. L'enfant n'était pas encore né. Mais Dieu connaissait son identité. Il y amène à la vérité. Il dit, tu lui donneras le nom de Jean. Verset 14. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Car il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni vin, ni liqueur, ni blanc. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Quand l'ange traitait avec Zacharie, il n'y avait pas de pharisiens là-bas. Il n'y avait pas de zélotes là-bas. Il n'y avait pas de sadducéens là-bas. Aucun délégué des églises n'était Il était seul. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Il ne prendra ni vin ni liqueur. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dans le ventre de sa mère. Zacharie pouvait en parler avec ses proches. Avec lequel il invoquait le Seigneur. Avec lequel il invoquait le nom du Seigneur. Et là, il dit que c'est un saint. Écoutez, ne les propagez pas. Nous devons attendre la confession. Voyons voir comment ça va se faire. Voyons voir ce que Dieu fera et nous saurons alors quoi que nous faisons. Dieu a caché ces choses-là. Dans le canal de Dieu, pour connaître le voie de Dieu, pour connaître les secrets de Dieu. Écoutez la suite. Au verset 16 et 17. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Amen. Verset 16. C'est à ton sang que tu as battu, mais il fallait le mignon et pas une colonne. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Amen. Pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants. Amen. Et le rebelle à la sagesse de Christ. Amen. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. À cause de ce mission, il va tenter de faire un bon nom. Jusque-là, l'identité de l'enfant. L'identité du travail qu'il devait faire sont clairement données. Mais l'identité ministérielle n'est pas encore communiquée. Mais au moins à travers ce travail, pour un disciple a permis de la vivre. Un homme versé dans les choses de Dieu, tu peux déjà comprendre qu'il s'agit de la voix d'un prophète. La manière dont les choses sont décrites, ça doit être le genre de travail, non pas d'un sacrificateur, ni d'un lévite, parce qu'aucun d'eux n'avait ça dans ses activités. Le sacrificateur n'avait pas la tâche de préparer au Seigneur la voix d'un prophète. ou de ramener les rebelles à la sagesse. Au moment qu'on attend dans le voyage de Néné, ou de ramener le cœur de père à l'exemple. Le thème de la matata et pas une panne. Ah, c'est le thème de le travail des rebelles. Voilà, vous allez en engager. Amen. Amen. Mais ce genre de travail, il fallait soigner les écritures. Pour voir dans Malachi 4, ce qui était prévu. Et l'école de théologie ne pouvait pas le dire. Gloire à Dieu pour ses voix. Il a dit dans Malachi 4, il dit ceci au verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. C'est quand même le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Je le dis là. Et le cœur des enfants à leur père. C'est peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans ce passage biblique, les deux versets que nous venons de lire, le verset 5, annonce la venue d'Élie le prophète. Il n'annonce pas la venue d'Élie le tissibite. Bien que Élie le tissibite était le fils prophète. Mais dans Malachi 4, il n'annonce pas le retour d'Élie le tissibite. Mais il annonce la venue d'Élie le prophète. C'est un ministère prophétique qui devait venir. Non pas l'homme Élie. Il y avait Jésus en Israël. Mais le ministère prophétique d'Élie. Parce que le peuple a été en Israël. C'est le ministère qui devait revenir à travers un autre homme. Mais il devait faire des choses. Et il devait apparaître sur le Christ. La première, Élie le prophète devait ramener le cœur de père à l'enfant. Et la deuxième, il devait ramener le cœur des enfants à leur père. C'est pas vrai? Et maintenant quand nous allons dans le chapitre 1, nous voyons le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Lorsque cette situation est dévoilée, comme je vous ai dit, un croyant a fermé quelqu'un qui est versé dans les choses de Dieu, même si la portion de Luc ici que nous avons lu, que nous avons lu à partir du verset 13, même si cette portion n'a pas cité le nom de prophète, dans la description de l'identité de Jean-Baptiste, il n'a pas cité le nom, le mot prophète. Mais pour un croyant, ce qui est dit, il peut savoir qu'il s'agit de la voix d'un prophète. Et le soubassement vient de Malachi 4. Amen. Malachi 4 ne promet pas un sacrificateur. Il ne promet pas un lévite. Il ne promet pas un scribe. Il promet Élie le prophète. Il dit amen. Il promet Élie le prophète. Ce sera donc le prophète. Et il sera un prophète. Êtes-vous là? Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit. Avec l'esprit et la puissance de Élie. S'il fallait éprouver cet esprit, il fallait l'éprouver et découvrir en lui l'esprit d'Élie. Quiconque a eu à éprouver Jean-Baptiste, selon Dieu, pour la meilleure des façons, doit avoir conclu et avoir trouvé en lui l'esprit d'Élie. Et s'il n'a pas trouvé l'esprit de Dieu, c'est que son jugement était faux. Son jugement n'est pas conforme à la parole. Il est allé dire autre chose. C'est qu'alors, son jugement était charnel. Il était forcément faux. Vous avez trouvé la réponse, parole. C'est quand la parole répond, il s'agit avec la parole. Votre témoignage est vrai. Et votre conclusion concorde à la conclusion. Sans quoi, peine perdue. C'est du temps perdu. Vous devez trouver la réponse, parole. Amen. Quel est cet esprit qui est en Jean-Baptiste? Il est dit, il marchera. Un ange venu de Dieu, une révélation fraîche, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de Dieu pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Oh, mais qu'est-ce que Malachi a dit? Malachi a dit, au verset 6, première partie, il ramènera le cœur de paix à la cassure est renforcée. Vous ne puissiez pas mélanger. Vous ne puissiez pas confondre. Vous ne puissiez pas confondre. Vous ne puissiez pas confondre. Vous ne puissiez pas confondre. Vous ne puissiez pas confondre. La première est de ramener le cœur des enfants. Et la deuxième est de ramener le cœur des enfants. Alors maintenant, est-ce que Jean-Baptiste est-ce qu'il prévoit que lui aussi ramène le cœur des enfants? Le verset de Luc 1, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Amen. Et les rebelles à la sagesse des justes n'ont pas le cœur des enfants vers leur père. Il s'agit des rebelles qui doivent être ramenés à la sagesse. Dans quel but? Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Nous voyons que Jean-Baptiste accomplit une des missions d'élire le prophète de Malachi 4. Une mission sur deux. Lui l'a fait. N'est-ce pas? Mais l'autre mission, qui devait le faire? Le Saint-Esprit vous le révélera. Si vous comptez sur l'intellectualisme, vous ne saurez jamais de qui il s'agit. Il y a des gens d'église qui lisent la Bible pour le faire. Non, pas la réponse de la parole. Il ne trouve pas cette réponse. Mais confiance. Que Dieu t'a fait grâce. Non, pour trouver la réponse et de savoir la deuxième partie là. Malachi 4. Qui est celui le prophète qui l'a accompli avant que ne vienne le jour du jugement, le jour de la colère de l'Éternel, le jour grand et redoutable, pour épargner le croyant du jugement à venir. Il faut que Dieu vous le remettez. De savoir de qui il s'agit. Qui a fait ça? Vous devez avoir la réponse. Amen. Ne nous tournez pas en rond. Vous ne commencez pas à nous dire, attendez, soyez là même dans la Bible. Vous oh, attendez, je sais. Vous allez vous dire bientôt. La Bible a déjà expliqué. Jusque-là, tu n'as pas la réponse. Il doit nous dire, il s'agit de qui? Et ça ne vient pas de manière intellectuelle. Ça doit venir par révélation. Si vous allez même auprès de cet homme-là lui-même, pour lui demander, et si Élie, il vous répondra, je ne le laisse pas. Et si le prophète, cet homme-là aussi répond, je ne suis pas prophète. Et pourtant la parole biblique donne la réponse. Identifie par le travail qu'il a fait. Et par la mission divine qu'il y a fait. Il est l'homme de la prophétie. Mais la réponse ne peut vous venir que par la révélation. Ne triche pas. N'allez pas copier quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un dire William Branham. Pour que quelqu'un passe à choper dans sa vie. Il faut que nous nous éloignions de Dieu. Il n'a pas la révélation. Et si vous êtes en train de suivre ces choses de la sainte révélation, vous ne saisirez ni le message, ni la portée de la mission de cet âge. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens dans les milieux du message qui continuent tout bonnement leur vie dénominationnelle. Mais pour leur dénominationnelle, parce qu'en fait, ils n'ont pas la révélation de Dieu. Dieu ne les a jamais personnellement révélés. On les a invités dans une assemblée. Et ils ont regardé comment les soeurs s'habillaient. Ils ont regardé comment les soeurs se comportaient. Ils ont aussi à imiter ce comportement. Et puis, ils ont appris là-bas qu'on s'appelle des aigles. Et on se salue le shalom. Et on se salue que Dieu vous bénisse. Et aussi, on commence à répéter. Shalom. Aimer de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Mais à titre personnel, ils n'ont aucune révélation. Ce sont des gens qui vont essayer. Tôt ou tard, leur vie va dévoiler. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et qu'ils n'ont pas l'identité de la parole. Parce qu'ils s'identifieront toujours soit à l'incrédulité, soit à la vie païenne, soit à la dénomination. Mais celui à qui Dieu révèle ses voix, il devient forcément différent. Son comportement se distingue. Sa manière de servir Dieu le différencie. La révélation, c'est la base de la marche avec Dieu. La révélation, c'est même ça la foi. Quand vous n'en avez pas, vous n'avez pas la foi. Quand vous n'en avez pas, vous faites des va-et-viens, mais il n'y a rien de probant. Rien d'éternel. Et le est là. Il faut que Dieu vous rappelle cela. C'est la seule réponse. La meilleure des façons. À ce moment-là, en lisant le verset 17, nous avons avec Malachie 4, l'identité ministérielle de Jean-Baptiste, c'était un prophète. Du même genre qu'Eli, il y avait vécu en Israël. Amen, amen. Par un autre canal, toujours là dans le chapitre premier, regardez, parce c'était avant la naissance de l'enfant. Et que nous venons de lire là, maintenant plus bas, quand l'enfant était effectivement né, Dieu, le Dieu de diversité, décida d'agir par un autre canal et de révéler encore l'identité de l'enfant, compléter à la révélation. Mais sans contredire ce qui était dit avant. Parce que Dieu ne se contredit pas. Il peut éclairer davantage la révélation pour permettre à ses enfants de la sortir. Luc chapitre 1, verset 67 et 68. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et puis, on a laissé ce passé. Et toi, petit enfant, ça concerne Jean-Baptiste. Et celui qui prophétise, c'est Zacharie. Jean-Baptiste. Tu seras appelé prophète du Dieu. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ton petit enfant, tu seras appelé quoi? Est-ce que ça contredit Luc 1, verset 17? Mais ça parle plus clairement que dans Luc 1, 17. Prophète du Dieu. Ceci est dit, il n'y avait pas de pharisiens là-bas. À nouveau. Il n'y avait pas de sadducéens. Il n'y avait pas de scribes là-bas. Mais c'est Zacharie qui prophétise. Dans un rayon restreint, avec ceux qui étaient venus se réjouir de la naissance de la femme. Qui était cela? Oh, mes chers amis. Il est dit au verset 58. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Et le temps où il s'appelait à Coco Samona, et pour ça qu'il fait à Potati dans la montagne, Majorinaïe fait du Potanaïe. Dieu avait dit que plusieurs se réjouiront de sa naissance. Et ces plusieurs-là, au moment où la prophétie s'accomplit, ne pensaient pas que c'était des grands membres de la grande famille. Les grands doyers et les rabbins du temple. C'était les voisins d'Élisabeth. Et les membres de la parenté d'Élisabeth. Quand ils ont pris la chose, ils sont venus s'associer à elle pour se réjouir avec elle. C'est la naissance de cet enfant. Et au moment où Zacharie prophétise, qui ont entendu la prophétie, c'était le membre de la parenté d'Élisabeth. Donc, la belle famille de Zacharie. Et les voisins immédiats. Même pas les lointains. Les voisins. Et ils se sont réjouis. Et à un moment, son père Zacharie, rempli de ses réjouis, il commence à prophétiser. Et il parle de bénédiction. Il dit que tu seras appelé prophète de l'Israël. Et qui ont entendu les voisins d'Élisabeth et les parents d'Élisabeth. C'est fini. On dirait que c'était une affaire d'une certaine famille. On dirait que c'était l'affaire d'une certaine famille. On dirait comme une famille du genre Branham. Vous voyez un peu ça? Vous voyez une famille du genre Branham. Vous voulez essayer une affaire de cette famille-là? Et de leurs voisins? Et puis maintenant on dit que c'est ça le destin de Dieu. On dit que c'est ça le plan de Dieu. Vous mettez une affaire d'une famille. Zacharie avec sa belle famille. Zacharie avec sa belle famille. Mais juste les voisins et les membres de sa belle famille. Et ils viennent voir et ils attendent. Même pas au temple. Attends le temple au pied. La maison chez lui. Les voix de Dieu sont insondables. Nul ne peut juger Dieu. Vous devez reconnaître. Dans Luc chapitre 7, vous voyez ce que le Seigneur Jésus a dit. Luc chapitre 7, verset 28 à 30. Quelque vous donc allez voir au désert un prophète. Oui, vous dis-je, est plus qu'un prophète. Amen. Ça, c'est le témoignage du Seigneur notre Dieu lui-même. Jean-Baptiste, c'était qui? Il était d'abord un prophète. Jésus dit oui. A la question de savoir s'il était un prophète. Il a dit oui. Et même plus qu'un prophète. C'était un messager de Dieu pour la génération, pour le courage auquel il a été appelé. Êtes-vous là? Il était un prophète. C'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant sa face. Devant sa face. Pour préparer ton chemin devant toi. Malachie 3, verset 1. Le Seigneur dit de lui, il est le prophète plus qu'un prophète. Il est prévu dans Malachie 3, verset 1. Écriture qui est citée clairement. Et là, il est appelé un messager. C'est plus qu'un prophète. Allez, tout nous a connu. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Un porteur de message important. Mon ami a sanglé mon tout ami. En accord avec le plan du salut. Alors que le monde du type. L'écriture qui s'est rapportée à son ministère est citée par Jésus. Quand Jean-Baptiste donne l'identité, on est l'écriture d'Ésaïe 40, verset 3. Et quand le Seigneur qui l'a envoyé donne l'identité, et il donne Malachie 3, verset 1. Voyez-vous que chaque fois, et le serviteur, ce qu'il dit lui-même, et son maître qui l'a envoyé, ce qu'il doit dire le serviteur, peut-être qu'il ne répond pas parole. Ce n'est pas des opinions sentimentales, mais c'est l'expression de la parole. S'il s'agit avec la parole, je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont les femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le destin de Dieu. Les pharisiens et les docteurs de la loi, ce que Jean-Baptiste est venu accomplir comme il est. Au moment de sa, la conception et de sa naissance, elle ressemblait plus à une affaire strictement familiale. C'était comme l'affaire d'une petite famille. Avec la belle famille. Et pourtant, c'était le dessein de Dieu. Ne sous-estimez pas les voies du Seigneur. N'attendez pas que du point de vue intellectuel, vous payez tous les gros mots. Vous n'êtes pas censé vous communiquer les gros mots. Mais souvent, dans sa manière de faire, et il connaît l'identité de ce qu'il a donné à son père. Il donne un prophète, il sait le temple. Il donne la porte, il sait qu'il donne la porte. Êtes-vous là? Amen. La mission confiée, la commission, Montala, le genre d'appel, Montala, la manière dont Dieu appelle, cela peut déjà vous donner une idée Montala, sur l'identité du ministère. Montala. Soyons humbles. Soyons humbles et Dieu peut nous révéler les choses. Ne disons pas les choses de manière charnelle, mais jugeons par l'esprit de vérité. Fais d'ici de toi-même. Vous avez vu ce que Jean-Baptiste a dit? Et voyez maintenant ce que le Seigneur a dit. Hein? Qu'allez-vous retenir? Quand Jean dit qu'il n'est pas élu, alors, il n'est pas le prophète, Azali, Moussa, il n'est pas le Christ, Azali, Christ, mais il savait ce qu'il répondait. Azali, Azali, comme nous voyons ici dans le chapitre 3, verset 15-16, comme le peuple était dans la tente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus grand, plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pour tout le monde, c'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Que disait l'église? Le peuple de Dieu qui était là. Hein? Qui dit-on que Jean était? Il s'est demandé à eux-mêmes. Un homme pareil. Quand ils l'ont vu prêcher. Puissamment. Il n'a pas aucun miracle. Mais il prêchait avec puissance. La puissance se sentait. Êtes-vous là? Jean n'a fait aucun miracle. Et la Bible dit qu'il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Et la parole ne mentait pas. Ça s'est réalisé mortellement. Il avait l'esprit de lui. Et il avait aussi la puissance de lui. Mais il n'a fait aucun miracle. Donc, la puissance n'est pas synonyme que des miracles. La puissance peut être dans la parole prêchée. Qui touchera les cœurs. Produira la repentance. Changera les comportements des gens. Et amènera à produire les fruits d'une repentance. Ça, c'est la puissance de la parole. Et jusqu'à présent, Dieu est le même. Nous pouvons ne pas avoir vu un miracle. Mais ne niez jamais la puissance de Dieu. Lorsque la parole authentique vous fait appeler. La puissance n'est pas synonyme de miracle. La puissance, c'est la puissance de Dieu. Dieu soutient sa parole. Et il l'impact sera dans le travail de sa parole. Il a fait suivre des résultats. Et ils sont divers et multiples. Vous allez dire non, les résultats sont divers et multiples. Bien, voilà. Alors Jean arrive au peuple. Parce que si on dit jamais, que dit-on que lui il était? Vous le peuple, qui connaissez Dieu, qui lisez la Bible, vous avez entendu des prêches, des prédications, qui vous dit qu'il est? Bon. Sans l'affirmer sous directement, vous en avez en même, n'est-il pas Donc je dis, est-ce que c'est pas le Christ? Seulement il différait des prédicateurs modernes. Prédication, sa manière de prédicateur était tellement différent. Il n'est pas le Christ. Donc il a dit, écoutez, moi là, je vous baptise tout. Mais il vient après moi. Là, même si vous appréciez la puissance que j'ai, mais il vient après moi. Quelqu'un de plus puissant que vous. Donc nous sommes frappés, impressionnés par la puissance qu'il y a dans. Mais il nous dit qu'il y a quelqu'un d'autre plus puissant que lui. Oh, si nous nous pensons que lui est le Christ, maintenant c'est celui-là qui vient après lui. Il y a plus puissant que lui. Que dis-tu de toi-même? Matthieu chapitre 11. Le Seigneur dit ceci. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Qui dit amen? Est-ce que Jean et Jésus se sont-ils contredits? Jean a dit, je ne suis pas Élie. Et Jésus dit, yes, il est l'Élie qui devait venir. Les deux se sont-ils contredits? Êtes-vous capable de me prouver qu'ils ne se sont pas conquéris? Vous allez m'apporter des recherches en la télé-mélanité. Quelqu'un? Montre-moi pour eux. Très bien. Encore? Quelqu'un? Montre-moi encore? Pourquoi vous pas? Oui, c'est bien. Veuillez répéter bien. Je me laisse saisir la force que vous présentez là. Monsieur Dert, voyez deux réponses. Le monde est bien venu parler. C'est bien, nous avons communion, non? Nous sommes en malin. C'est une communion. Vous allez voir ça dit. Dans les affaires du Père. Makamunakata. La réponse de Frère Jumbelo. Oui, de Frère Jumbelo. Reflète la réponse de celui qui a suivi la prédication du début. Ou jusqu'au stade de la réponse du précieux diacre. Il prend les éléments dans le message. Et donc, par sa réponse, ça illustre qu'il a manqué une partie de la prédication de ce soir. Parce qu'il avait suivi, il allait répondre comme précieux. Et parce qu'il a raté ça, il est venu il n'y a pas longtemps. Vous voyez, frère, et les éléments qu'il lui donne, vous le retrouvez dans les messages. Seulement ce soir, ça a été abordé. À ce terme-là, mais on l'a abordé en passant pour parler de la mission de l'Élie qui devait ramener le peuple sans commenter cela. Voilà ce que c'est. Vous voyez ça? Maintenant, moi je vous ajoute ceci. Comme preuve que Jésus-Christ et Jean-Baptiste ne se sont pas contredits. Jean-Baptiste, quand il dit qu'il n'était point Élie, c'est en accord avec l'écriture de Luc 1, verset 7, ses parents lui avaient certainement parlé. Voilà, à ta naissance, quand j'étais venu, il nous a dit à ton sujet que tu marcheras devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Êtes-vous là? Vous allez là? Et Jean les savait comme cela. L'esprit et la puissance d'Élie. Donc, non pas Élie, mais Tishbi. Voilà. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il dit qu'il est l'Élie qui devait venir, lui, Jésus ne se réfère pas à Luc 1, verset 17. Mais il se réfère à la promesse qui est annoncée dans la Bible de Christ, la venue d'Élie. Il ne se réfère pas à ce qui s'est passé à la conception de Jean-Baptiste. Parce que Dieu a manifesté ses voix à un groupe d'esprits. Mais il se réfère à ce que les Écritures disent. Et que tout le monde vous bénisse. La Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais Élie là, qui devait au verset 6. Ramener le cœur de père à leurs enfants. Et soit Élie là qui devait ramener le cœur. Qui devait venir parce que Dieu a promis de l'envoyer. Et soit Élie là qui devait ramener le cœur de père à leurs enfants. Et Jésus dit qu'il est Jean-Baptiste. Amen. Il confirme par là, comme c'est aussi témoigné dans Luc 1, que la première partie du verset 6 de Malachie 4 est déjà accomplie. Amen. Et si un autre homme s'élève après Jean-Baptiste, et il vous dit que lui ramène le prophète, prenez-le pour un menteur, un faux prophète. Le Seigneur a tranché. Pour la suite, vous êtes là. Et c'est exactement ça. Vous allez penser à vos mots. C'est exactement ça. Vous allez penser à vos mots. Le témoignage du Seigneur. Vous avez envoyé Jean-Baptiste. Et le témoignage de Jean-Baptiste. Concorde. Vous donnez l'identité de prophète. Pour la prophète, ça a été le mot à Jean-Baptiste. Naïwan, vous êtes ici. Nous avons suivi la réponse parole qu'il a donnée. Et nous avons suivi le développement de cela. Nous avons aussi au ministère. Et nous avons selon les écritures elles-mêmes. Et les témoignages vivants du Dieu de sa parole. Témoignage qui est venu par l'ange et qui est venu également par l'onction du Saint-Esprit sur Zacharie son père. Dieu de diversité et confirma une identité. Alors le témoignage des deux est vrai. Le Saint-Esprit. L'ange qui est venu, il ne peut pas donner son propre message. C'est le message que Dieu lui a donné, que lui est allé dire à Zacharie. Donc le témoignage de l'ange et le témoignage du Saint-Esprit à travers la prophétie de Zacharie sont un seul et même témoignage. Le témoignage surnaturel de Dieu lui-même. Comme quoi Jean-Baptiste est prophète. Loin de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Nous aimons. Est-ce que nous savons la vérité? Voilà les questions d'identification. Qui dit-on qu'il est? Jean-Baptiste. N'importe qui pouvait dire n'importe quoi. Mais c'est Dieu, au moyen de sa parole biblique, qui donne la vraie réponse. Et le serviteur, dans la manière de répondre et de parler, il ne peut dire une partie de réponse qui peut vous amener loin. Si vous n'êtes pas mûr, si vous n'êtes pas affermi, vous risquez d'aller loin. Vous risquez d'aller loin. Vous éloignez de la chose d'ailleurs. Tenez-vous dans la généalogie. Appelez Dieu au secours. Attendez-vous à ce qu'il vous rappelle. Il est capable de l'amour. Vous croyez vraiment? Béni soit le nom du Seigneur. Que dis-tu de toi-même? Si nous posions la même question à frère William Branham, on attendrait des réponses. Mais on ne peut plus le faire ce soir, l'état est fini. Les questions d'identification. Qui dit-on qu'il est? Vous allez les uns racontent ceci. Qui dit-on que Jésus-Christ est? Dans Matthieu là-bas. Oui, dans Matthieu. Il a dit. Qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Vous avez entendu les réponses? Les uns disent que tu es vous allez Jean-Baptiste. Les autres disent tu es Jérémie. Vous allez Élie. D'autres disent tu es Élie. Vous allez Élia. Et les autres disent l'un des prophètes. Vous êtes dans les zombies? Pas de péché absolu. C'est pour ça que vous ne devez pas vous fier à ça. Vous ne vous fiez pas aux zombies. Comme ce fut le cas pour Marie. Elle connaissait l'identité de l'enfant qu'elle portait. Elle ne pouvait pas se fier aux zombies. À ce que les gens disaient. Et vous aussi ne faites pas ça. À les opinions des gens. Il y aura dit n'importe quoi. Je lis un peu dans le sermon. La profondeur appelant la profondeur. Le 15 avril, le paragraphe 38, profondeur appelant la profondeur, il est parlé de l'identité de l'enfant Jésus, le bébé que Marie portait. Il dit ceci, je peux la voir alors, elle tapote sa petite joue, quand bien même. Il est émailloté de l'homme, retiré de derrière les joues d'un beau, mais c'est son bébé après tout. Et peu importe ce qu'on dit, elle le sait dans son cœur, le Saint-Esprit avait dit ça. elle le tient dans ses bras. Marie, elle savait dans son cœur que le Saint-Esprit avait dit de cette femme. Et c'était le témoignage du Père. Ce que les gens racontaient, il y a un petit peu. Qui dit-on qu'il est? Oh! Si tu suis ça, tu vas t'embrouiller. Écoutez. Il est simplement fier de lui. Alors qu'il avance, et que tout le monde garde ses distances. Alors quelqu'un dit, je me demande ce qu'il y a. Ça doit être un enfant extrêmement pauvre là. Regardez comment il est habillé. Ça, c'est ce que les gens disent. Ils identifient quelqu'un par son habillement. Oh, avec ses langes tirées de derrière le vol. Ça doit être un enfant extrêmement pauvre. Mais Marie, ça lui disait peu. Que le Saint-Esprit avait mis de ce moment. C'est ancré dans son cœur. Elle ne bougeait pas. Elle ne se laissait pas influencer. Elle se laissait abattre. Et alors, nous pensons que l'habillement représente quelque chose. Alors que le roi de gloire était émailloté. Mais il nous faut avoir les tout meilleurs habits. Nos cheveux doivent être bien arrangés avant que nous champions dans la couleur. Je pense que Dieu a besoin de ses présentations. C'est ça, papa. Oh, ça, vous. C'est le prophète qui dit, elle le tient contre son sein. Elle gardait la tête baissée. Elle ne faisait pas cas de ce que les gens disaient. Vous entendez? Qui dit ton filet? C'est toi des bobards qui sont là. Sachez que le témoignage du Père Céleste, la parole de vérité, tiendra pour l'absolu. C'est ce qui doit rester valable pour vous. Alors, elle a dit quoi? Le Père Céleste, ne suivez-vous pas? Ce sont des réponses contradictoires, confusionnelles de foi. Il est Élie, il est Jean-Baptiste, il est Moussa Poli. Comment vous allez retenir le confinement? Le manque de révélation. Quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Racontez n'importe quoi. Elle les tient contre son sein. Elle gardait la tête baissée. Elle ne faisait pas cas de ce que les gens disent. Elle s'intéressait à ce que Dieu a dit. Écoutez, c'est ainsi que chaque croyant. Mon diminution sera solo. A qui pas qu'abilobele y a bateau terre. Kulanda kabilobela te. Où est-elle la ville? Vous avez un père. Vous avez un tata. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Oui, j'ai un père dans l'au-delà. Là de l'autre côté. Un glorieux jour j'irai les voir. Un glorieux jour j'irai les voir. Un glorieux jour j'irai les voir. Là de l'autre côté, quelle bonne rencontre ce sera. Quelle bonne rencontre ce sera. Quelle bonne rencontre ce sera. Là de l'autre côté, c'est bonjour peut-être demain. C'est bonjour peut-être demain. C'est bonjour peut-être demain. Là de l'autre côté, donnez-moi. Et yo kubo yemba espagnol bilo bela yango osoli yango avec appétit, osoli yango avec passion, osele mona motema po etchola yo e zokita yo e buka yo e tombokita yo on t'avoue. Amen. Yo kubo ngona zemo wanete e koma espagnol bilo bela yango Nalingi koyoka, bilo bela yango. Kebakanayo. Je te dis Kebakanayo. Là, ce n'est pas le chemin des croyants. Toyokani. Oh, oh, depuis que nous avons eu le courage, nous sommes venus nous rassembler, mais ça, j'ai raté. Toi, tu marches d'après les bibliothèques là. Le juste vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu. Dis-le, belle yango. Dis-le, belle yango. Apana, apana, papa. Voilà, tu es. Katan, zimbo, wana. Nani ngolo kwa mwote. Bilo mela yango. Te. Ubaniko bebisa. Ubaniko bebisa di kretien. Toko loke mese. Bilo mela yango. Me l'ancien évangile. Tangwala mwe kala. Oyo bantoma bateya. Oyo basta kolia solo solo bateya. Amen. Yangonde. E a mwe mwe kolia. Amen. Que Dieu te bénisse de croire. Que Dieu te bénisse ma sœur de croire. Mon frère, que Dieu te bénisse de croire. C'est ainsi que chaque croyant. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte. Mais c'est ce que Dieu a dit. Nous prenons position à partir de ce que Dieu a dit. Que les gens disent, ils vont changer ce qu'ils disent. Ils diront le matin, ils diront Y à midi, ils diront le soir où ce n'était ni I ni Y. C'était la lettre U. Ils sont confus sur le conflit. Ne vous fiez pas ça. Prenez qu'est-ce que Dieu a dit. Voulez-vous bien? Et que dit-il toi-même? Vous allez commis le pas répondre par vantardise. Les grands prophètes qui demandent. Les prophètes des nations. C'est déjà la preuve que c'est faux. Répondez par la parole. Au fur et à mesure qu'elle avance, que la ligne avance, un plus grand que Salomon est là. Il y a la pierre angulaire du temple. Il y a le Seigneur de gloire dans son propre temps, mais dans les bras de Marie. Quand il est venu là-bas au temple, là-bas, regardez comment on les regarde. Vous attendre à mieux aujourd'hui? Certainement pas. Bon, le monde est plus cruel aujourd'hui. Qu'il l'était alors. Je ne pensais pas que les gens d'aujourd'hui soient plus gentils. Pour reconnaître les vrais dons de Dieu. Les gens ont des cœurs méchants. Ne vous fiez pas les musulmans. Ils ne vous diront pas des fois ce qui les motive à prendre ces mêmes positions. Et pour Christ, et pour les Christ. On ne peut pas s'attendre à mieux aujourd'hui. Voilà pourquoi seul des tâches. Paul a dit, il dit pour moi. On a pris 1 Corinthiens 4 à partir de verset 3. Il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Ça importe peu. Vous pouvez venir juger. C'est pas ça l'absolu de mon cœur. C'est pas ça qui va ébranler ma position. Vous marchez devant un tribunal humain. Que ce soit un tribunal populaire. Comme on dit, le peuple a jugé. Il y a une clameur, les gens ont dénoncé. Et vraiment le peuple a ou qu'il y a une audience foraine. Le jugement par flagrant. Il y a des condamnés griarés. Venez juger les condamnés. Quand le monde a jugé Jésus, ils sont crucifiés. C'était ça leur jugement. Ils ont conclu qu'il a donné un faux témoignage. Ils ont pu falsifier la parole parce qu'ils ont fait rien. Ils se sont embrouillés sur toute la vie. Ils maîtrisaient rien là. Ils s'appuyaient sur leur sagesse. Alors que Dieu a interdit, n'est-ce pas pour y partir sa propre intelligence? Mais comment il est devenu va prendre sa propre intelligence comme moyen de jugement? Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Donc Paul dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Encore moins par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Pour rendre l'absolu de moi-même, la référence de moi-même, et le minna et le mizambi. Non. Et celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ce n'est pas pour cela, même si je ne me juge pas. Ce n'est pas pour cela que je suis juste dire. Alors, il conseille maintenant l'Église. C'est pourquoi ne juger de rien avant le temps. Ne vous livrez pas à un jugement hasardeux. Ne prononcez pas un jugement téméraire. Aléatoire. Parce que les choses sacrées, c'est spirituellement. Des fois, comparaison n'est pas raison. Alors que ce n'est pas le cas. Que Dieu nous aide chaque jour. Votre jugement ne doit pas être prématuré. Un jugement d'immaturité. Mais soyez patients. Ne soyez pas pressés. Priez Dieu qu'il vous aide. Et qu'il ne vous laisse pas commettre une erreur monstrueuse. Monumentale. Fatale. Qui va vous disqualifier vous-même. Soyez sages. Soyez réservés. Soyez attentifs. Examinez les choses et les contours. Et priez Dieu de vous aider. Quand il faut conclure. Amen. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Aimez-vous cette vérité? Amen. Les trois questions bibliques disent Biblia, pour identifier un ministère. Qui dit-on qu'il est? Vous allez pour le voyage à l'inani. Ce serviteur-là. Il est au Salut. À cette question. Concorde avec celle à il faut nécessairement que le serviteur et le peuple, l'Église, aient accès à la même révélation. Et cette révélation doit venir du Père. Sans quoi, le serviteur dira autre chose. Le peuple et l'Église dira autre chose. Preuve, il n'y a pas une révélation concluante. Mais attention, si ce que dit le serviteur est conforme à ce que dit le Père, mais que le peuple, par manque de consécration, parce qu'il ne prie pas sérieusement, ils font les choses à la légère, au lieu d'avoir une réponse surnaturelle, vous donnez des réponses intellectuelles. Ils se contentent des réponses intellectuelles, vous allez pour malheur à ce peuple-là. Il faut que Dieu vous révèle la chose. Ce qui vient de vous-même n'est pas du tout crédible. Êtes-vous là? Ce n'est pas du tout crédible. Ce sont des opinions rotatoires. Elles peuvent dire une chose aujourd'hui, mais le contraire, et après-demain revenir à la première chose, et après-demain inventer une nouveauté. Vous ne pouvez pas vous fier à ça. Il faut que Dieu vous révèle. C'est ce que je voulais dire. Vers la fin de la prédication de mercredi, je le dis encore. Dans 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas les dons qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie. Avec la position de main de l'assemblée des anciens. Des anciens. Donc la prophétie est venue avec les positions de main. Comme pour vous dire, nous ne croyons pas que Dieu appelle les gens par des prophéties. Comme les dénominations le font. Nous. Dieu donne un appel direct. Allez, la prophétie doit venir au moment de l'ordination. Au moment de l'ordination. Ce sera une révélation qui vient boucler ce que le serviteur comme avoir reçu cela de la part de son Dieu. Et le même Dieu qui a parlé au serviteur, le même Dieu doit révéler cela. Alors on dépose la main. Mais quand le peuple n'a pas de révélation, le jugement que vous faites là, il est critiquable. Ils allaient se battre. Vous ne pouvez pas sortir un élément de révélation clair et précis. C'est le moment de miséricorde. Quand il s'agit de l'identité d'un vrai ministère, Dieu est censé parler. Parce que là où il a traité avec le serviteur, il peut aussi nous tromper. Et s'il a inventé une expérience, et nous sommes l'église de Dieu, comment les partager? Notre Dieu vivant doit s'exprimer. Amen. C'est là que l'église doit être consacrée. Amen. On ne doit pas assister à des jugements fantaisistes et des conclusions émotionnelles. Mais il faut que le Seigneur, s'il peut nous donner un élément, c'est encore bon. Donne un discernement, indépendamment de ce que le serviteur a dit, qui vient par un autre canal. Gloire à Dieu. Êtes-vous là? Vous allez là? Tenons-nous debout. Que Dieu bénisse cette parole. Votre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Pour te rendre gloire de ce privilège que tu nous donnes. De méditer ta parole. D'étudier les voies de Dieu. Pour apprendre la sagesse biblique. Connaître quel comportement adopter. Non pas devenir balloté. Sous n'importe quelle idée. Ou avec des pensées divagatoires. Mais nous avons besoin d'une position biblique. La position de ta parole. Que notre manière de faire soit la manière de Dieu. Et que chaque fois, nous recourions à la prière. Que Dieu soit notre guide. La source d'inspiration. La source de discernement. Et surtout de révélation. Pour que les choses qui se font ne soient pas des choses contradictoires. Et des comportements aléatoires. Que ce soit un jugement spirituel. Et que nous ayons des éléments vivants dans le domaine surnaturel, complété par ce que nous avons. Et que nous tirions des conclusions, comme ça a été le cas au temps de la vie. Oh, aide-nous, Seigneur, à ne pas rester superficiel, à ne pas demeurer intellectuel, avec des idées contradictoires, et des opinions camouflées. Oh Dieu, loin de nous les esprits arrogants. Nous voulons utiliser uniquement ta parole et aussi l'élément surnaturel. Car ta parole est surnaturelle. La lettre seule tuera. Mais c'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de vérité qui vivifie ta parole. Tu rends cela réel. Tu assistes tes enfants. il t'appelle au secours. Donc il se montre limité. Reprends simplement de toi. Oh Père, tu résistes aux orgueilleux et aux âmes pour nous humilier, Seigneur, chaque jour et chaque fois. Encore des pensées modestes, des sentiments modestes, pas de l'arrogance, pas de l'orgueil, pas de l'insolence, pas de l'indifférence, pas de divinité, ni de jalousie, mais rien que l'esprit de vérité, l'amour du Père. Reste avec mon Seigneur. Aide mon frère, ma soeur. Aide cette église. Dans sa marche de tous les jours. Alors que la venue du Seigneur est très proche. Qu'aucun de nous ne se lance dans des distractions. Exauce mon Seigneur. Et fructifie ta parole à nous. Fais-nous mûrir chacun pour ça. Contactez de toi les grands saints. Dans la sainte présence. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.